بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، عندك ما هو أخذنا حديثين في الدرس الماضي. ما هو الأول؟ هي هذا الحديث قال دي كوا نعم، هذا الحديث يبين حكم البدعة، الأشياء التي تحدث في الدين. تذكر ما هي البدعة المقصودة في هذا الحديث؟ نعم، على وجه التعبد، بس ان شاء الله من كونديسيون كان امبورطونت. هذا الحديث كذلك يدون قاعدة امبورطونت كليه او ديبي دو كتاب المتابعة، أن العمل لم يكن على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل، مثل الذي ليس على مبني على الإخلاص لم يقبل. نعم، deuxième condition pour accepter l'œuvre، أولا الإخلاص، والثاني المتابعة. والشخص يقول لك ما جي با إنوفي، ما جي جوست سي با مو البرومي أفوار في لا بدعة. إيش الجواب؟ اللفظ الثاني. نعم، والحديث الذي بعده والذي أخذناه قال دو كوا بريفمون، ما معنى يعني ايش يقصد بالشبهات هناك؟ سي كوا كيفيس باغ الشبهات؟ كل ما عندك. لا سي با ليز انتردي en soi directement. La chevouette, c'est quoi le sens qu'elle voulait par chevouette ici? La chevouette, la mitabé lana hukmuha. C'est pas ce qu'on a hukmu. Adam a la chevouette, on a. Et tu vois une chose, tu dis est-ce que c'est halal, yajouz, mais yajouz, je sais pas. C'est pas clair. Adam, t'as acheté un niveau. Hatta ta'alam bi yakin. وقال لا يعلمهن كثير من الناس. أيوة، معناه أن أكثر الناس لا بد أن يعرفوا، من العلماء يسألون. donc faut leur demander. faut leur demander. et quand bien même tu leur demanderais, tu aurais une réponse. ça peut être une chose qui n'est pas claire. d'accord. et à ce moment-là, tu t'en éloignes quand même. tu t'en éloignes quand même. طيب، ندخل اليوم في الحديث السابع وربما الثامن مع سشمل يجمع حديث. يقول المصنف رحمه الله تعالى، الحديث السابع سشم حديث، عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. رواه مسلم. que le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit selon Abu Ruqayya Tamim, il a dit la religion c'est un nasiha, souvent traduit par le conseil. mais on verra que le conseil n'est pas le sens, le seul sens qu'on peut avoir dans ce hadith. donc on laisse en arabe un nasiha. ça va apparaître après le hadith. Donc ils ont dit pour qui le nasiha est pour qui? Il a dit pour Allah, pour son livre, pour son messager et pour l'ensemble des musulmans ainsi que leurs dirigeants. Oh, les dirigeants des musulmans et leur ensemble. Les gens de la masse des musulmans. Naam. Cheikh Fawzan, il cite par rapport à ce hadith, il y a une autre version qui existe qui est Ad-Din al-Nasiha, Ad-Din al-Nasiha, Ad-Din al-Nasiha. Yani, il le répète trois fois, apporté par Ahmed. Donc maintenant, hadha, ma ma'na al-Nasiha, yaqul, ça veut dire quoi al-Nasiha? Al-Khulus, yuqalu shay'un nasihun, yani khalis, min al-ghish. Donc en fait, la Nasiha là, c'est une chose qui est pure, une chose qui est nette. Quand on dit une chose qui est nasiha, c'est une chose qui est dépourvue, exemple de toute tromperie. Tayyib shay nasiha, c'est une chose qui est exemple de toute tromperie. Ou yokol rasalun nasiha, du miel pur. Là-dedans, il n'y a pas de choses ajoutées, il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a rien. Ou labanun nasihun, du laban qui est nasiha. Yani khalis min rish, ou l'irtilat. Al-radi'a, qu'il est quand même pur et qu'il est exemple de tout mélange avec des choses mauvaises ou même bonnes, dans le sens où des choses qui changent sa nature. Le salin du miel, tu peux acheter des choses qui sont bonnes, mais il ne sera plus du miel pur. Le cause là, c'est que la chose reste telle qu'elle est. Donc, c'est ça. Comme il y a cool. Que le dit de l'islam, c'est une religion qui est pure. La religion de l'islam, c'est une religion qui est khalis, qui est nasih, à l'exemple de toute fausseté, de toute tromperie, de toute trahison, de toute escroquerie. La même voie din khalis, din safin. Il n'y a rien qui rentre dedans, dans sa base, en dehors de ce que les gens ils ont innové d'eux-mêmes. Parce que Allah Azzawajal a fait descendre la révélation, la religion elle est pure. Et elle n'apporte que du bien. D'accord ? La religion n'apporte que du bien. Wa yaqulu wa kadhalika al-muslim yastawi dhahiruhu wa batinuhu ala nasiha wa salama min al-akhlaq as-sayyi'a wa al-khiyana wa al-ghadr. Hadi il en est même pour le musulman. Quand même, le musulman, que son intérieur et son extérieur doivent être à un niveau égal. Ce qu'on voit de lui extérieur, ça représente ce qu'il y a en lui intérieurement. Dans son comportement, et il doit être exemple de toute chose mauvaise, qui se mélange justement à son hymen et à son, comment dirais-je, à son suivi de la religion. Contrairement à qui ? Au munafiq. Munafiq, lui, son intérieur, yukhalif, yani baratino, yukhalif zahira. Ce qu'il a en lui, contredit ce qu'il a, ce qu'il le montre aux gens. Lui montre aux gens l'islam. Wa akadha, wa fi baratini, wa kafir. Hada l'aks. Wa di khiyana, c'est une trahison. C'est de la trahison. Wa bihada, qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man ghashana falisa minna. Celui qui nous a trompés ou escroqués ne fait pas partie de nous. Ça, c'est dans tout le sens du terme. Autant, il y a qu'on nous a des cafés, souk, dans la vente, le négoce, ou même dans ta religion. Tu te fais passer pour ce que tu n'es pas. Tu montres aux gens un visage, même, et alors qu'au fond de toi, t'en as, tu as autre chose. Ou Zouadjain. Tu vois, Zouadjain. Kazalik, des hadiths sont venus pour blâmer celui qui a un double visage. Il te montre une chose, alors que, au fond de lui, c'est peut-être pas du coup, c'est autre chose, là. Il montre des visages, différents visages, différentes personnes, en fonction de sa maslaha. Il va te voir toi, tu fais croire qu'il est d'accord avec toi. Après, il va te voir toi, quand il dit le contraire de ce qu'il t'a dit à toi, pour être d'accord avec toi. Et un tel, et un tel, et un tel. Même hada hata an kuffar, mazmoum jiddan. On connaît souvent ça chez les hommes politiques, les gens qui ont une personnalité où ils doivent influencer sur les gens. Ils veulent plaire à tout le monde. Donc, ils sont obligés de dire ce qui plaît aux gens. Et comme les gens ne sont pas tous d'accord sur une même chose, eh ben, il est obligé d'avoir plusieurs visages. La religion n'appelle pas à ça du tout. Tout le monde à être un zahir, wadih, wa khalis. Fa as-sahaba sa'alu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qalu liman ad-nasiha. Qalu liman. Pour qui? قال النبي صلى الله عليه وسلم لله هو الله. ويقول فأول شيء أن تكون ناصحا فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. Une première chose, que tu sois nasir dans ce qui est entre toi et ton Seigneur. Ce qui revient sur le début. Tu es sincère, tu es véridique, et ta ibad elle est pure pour lui, dénuée de tout shirk, de tout ria, ostentation, réalisalika. Un ta'boudo, haq ibadatihi. Tu l'adores comme il faut, comme il se doit. Tu'min bihi imanan kamilan. Tu crois en lui d'une foi parfaite. فتؤمن بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات تمام وتؤمن بالأقدار tu crois au destin comme dans le hadith les piliers de l'islam qu'on a pris les piliers de la foi qu'on a pris auparavant وأفعاله وهكذا donc là cela doit être apparent contrairement à qui on a cité خلافا للمنافقين خلافا للمنافقين هذا المعنى الأول نصيحة لله في إخلاص السنسيريتي تمام الاستقامة donc est-ce qu'on peut traduire cela par conseil on ne peut pas traduire par conseil à ce moment-là on ne peut pas traduire cela par conseil يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون vous qui avez cru تمام craignez Allah comme il se doit Et ne mourrez qu'en étant en pleine soumission. Yajjahad. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Soyez avec les véridiques. Donc tu es quelqu'un de véridique dans ta religion. Wa hadha da'wa. Car quelqu'un te voit dire, faire ou appeler à quelque chose. Et à un autre moment, il te voit faire tout le contraire. Lui, il va dire, toi, je ne te crois pas. Même si tu ne l'as pas parlé directement, il va voir que Donc, pour lui, tu n'es pas un ancien. Pour son livre. Donc là, pareil. اليمكن أن نستعمل كلمات qu'on dit conseil pour le Coran au sens qu'on connaît en France en français ça convient pas le mot conseil je conseille le Coran tu peux pas conseiller le Coran Coran wa kalam Allah sifati comment tu vas conseiller à quoi فهمت donc معنى نصيحة هنا que tu sois nasih avec le kitab d'Allah عز وجل c'est comme ذكر الشيخ نفسه أولا أن تعتقد أنه كلام الله حقيقة que tu as pour croyance que c'est la parole d'Allah réellement, véritablement ce qui montre que les gens de la Bida comme les Mu'attila qui, comme les Mu'tazila ou le Jahmiya ou Ghayr Dhalika qui essayent de supprimer les sifats d'Allah Azza wa Jalla, les attributs هؤلاء ليسوا ناصحين لكتاب الله ثانيا أن تتعلمه que tu l'apprends, ce livre D'accord ? Tu l'apprends. Tu cherches à le comprendre. فالجاهل المعرض عن الدراسة celui qui ne cherche pas à apprendre, qui se détourne, il n'est pas un nasih le kitab illah. طيب, il ne fait pas de nasiha pour le livre d'Allah. ثالثا أن تكثر من تلاوته que tu le lises beaucoup. Après, ça c'est quelque chose de relatif sur les gens, tu vois. T'en as, ils peuvent lire beaucoup par jour, d'autres. En tout cas, tu le lis, et fréquemment. Azahu. Ce n'est pas comme on voit que beaucoup d'entre nous font. Ils ont un mushaf, ils ne l'ouvrent que pendant Ramadan. Il se peut que l'année entière elle passe, il n'a jamais fini le Coran. Mathalan. Il n'a pas lu. Azali samin amel nasiha li kitabillah. Ça, ce n'est pas un travail ou un acte qui revient au nasiha, au livre d'Allah, azawajal. Le livre d'Allah, tu le lis. Mais tu le médites. كما سيأتي الآن يذكره. رابعا أن تتدبره ولا نعم فلا يكفي أن تقرأه دون معرفة معانيه وتفسيره. Donc que tu le médites, que tu réfléchisses au sens car il ne suffit pas seulement que tu le crois sans comprendre son contenu et son explication, son exégèse. Il faut que tu le saches. L'imada, c'est à tivi un octal khamisa, an ta'amal abih, et que tu l'appliques. Kullu hadha yarji ila hadha. Kullu ma zakarna min awwalihi ila al-an yarji ila hadha an ta'amal abih. Que tu l'appliques. Comment peux-tu l'appliquer si tu ne lis pas en premier lieu, si tu ne crois pas en son contenu en deuxième lieu, et que tu ne crois pas ce qui est écrit dedans en troisième. Tu ne pourras pas l'appliquer. Wa min al-asaf, ce qu'on voit, c'est que le Coran, pour beaucoup de gens, c'est devenu يعني عباره عن زينة البيت. Tu vois, dans la maison, il y a un gros mousraf posé sur un socle en bois, beau gros mousraf acheté à Mecca lors du Hajj ou à Medina. Il est là dans le salon en guise de décoration. Il est beau, il est grand, mais tout le temps vers la même page. S'il est ouvert, des fois on le dépoussière quand on fait le ménage dans la maison. Le Mousraf, il est là, soit fermé, soit vers la même page depuis des... Et la télé à côté, les Chagral. Tous les jours. Voilà. Avec la télécommande pour changer les chaînes. On regarde ce qui se passe. On veut comprendre. On veut savoir l'actualité. Le Mousraf à côté, il est délaissé. Si on agissait avec. On donnait autant d'importance au Mousraf comme les gens en donnent avec la télévision, on ferait des grands. On ferait une grande avancée en islam. Si on croyait. Comme il se doit, comme les... tout le monde va dire je crois le Coran, mais il le croit comme lui pense qu'il le croit. Si on y croyait comme les gens croient ce que disent les médias, la télévision, dans les informations au Radio de la Zika, dès qu'ils voient une image d'un reportage ou d'un khabar qui se passe dans le monde, après ils réagissent tout de suite, ils sont pris par les sentiments, comme ils disent, bouger les choses, c'est une injustice, il faut arranger les choses. S'ils agissaient de la sorte avec le Coran comme il se doit, on aurait fait une grande avancée. Voilà, kada. Wa taban, ba'da hadha, kama akhadhna fi usul salatha, que tu y appelles. Qu'a appelé faire da'wa, hadha min amal bil Coran. Comme qu'a dit Ta'ala, ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. Allah le dit bien, et appelle au sentier de ton Seigneur avec exhortation et avec sagesse, tamam, et discute avec eux de la meilleure façon. Donc la da'wa ila Allah azza wa jal fait partie de l'application de ce livre. Maintenant la da'wa, on a parlé, ادعوا الى الله la basirati. J'appelle à Allah avec clairvoyance, avec ilm. Donc ça revient au point qu'ils disent en deuxième, tata'allama, que tu l'apprennes. Kullu hadha yazmun ba'dahu ba'dan. Tout se rejoint. Donc hadha min an-nasiha li kitabillah. Hadha min an-nasiha, ça c'est parmi les nasiha du livre d'Allah azza wa jalla. C'est pour cela que la personne qui apprend le Coran et qui ne l'applique pas, quand même, elle est mazmouma jiddan. Car le but de ce livre, c'est l'amel. D'accord ? C'est l'amel. Et non pas décorer les murs des masajid avec des ayats, ou accrocher des pancartes dans la voiture, dans la maison, ou se mettre en groupe et rester en chœur, entre le maghrib et l'isha, dans le masjid, faire des concours, qui c'est qui récite le mieux, connaître le tajwid, bidiqa, ça c'est mustahab. Et à côté de ça, tu fais tout le contraire ce qu'il y a dans le livre. Hada ma huwa sahih hada. Hay al maqbul hada. Wa thumma qala wa li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Pour son messager. Pour son messager. Yaqul wa kadhalika tansahu li rasulihi صلى الله عليه وسلم بين تشهد أنه رسول الله شارة الحق. Donc tu attestes qu'il est le messager d'Allah avec véracité. ظاهرا وباطنا. تمام؟ En apparent, au fond de toi, tu es sincère, et dans ton extérieur, ça se voit également que tu appelles, ou plutôt que tu conseilles, ou plutôt que tu es nasih li rasulillah صلى الله عليه وسلم. Donc quelqu'un qui est nasih lil rasouli sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas ressembler à un kafir. C'est pas possible. Celui qui est nasih lil rasouli sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas ressembler à un kafir. Il peut arriver comme ça, rasé, costard cravate ou vêtements à la mode, je ne sais quoi. Et après, il y a cool, un nasih lil rasouli sallallahu alayhi wa sallam. On dit, ton apparence contredit ta parole à ce moment-là. Donc, comme nous avons dit dans le hadith, sabiq, في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. Et cela démontre, cela nous fait, nous indique ce qu'il y a dans ton cœur, ce qu'il y a dans ton cœur. Tamam. Là, on en a déjà parlé la dernière fois, ça montre qu'il y a dans ton cœur. Donc ça restera des paroles vaines de ta part. Et elles ne sont pas que vaines, tu seras interrogé auprès de ces paroles-là. Tu dis telle chose, comment tu agis sur ces choses-là? Ça vient où? Tout ce qu'on a dit auparavant dans le mana de Mohamed Rasulullah. Ça vient à ça, c'est-à-dire que cette chose-là, tu l'appliques, et tu es véridique dans son application. Donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu l'aimes plus que tout autre. Comme a parlé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nas ajma'in. Qu'aucun d'entre vous ne croira véritablement tant que je ne serai pas plus aimé auprès de lui que de son père ou son fils, de tous les gens réunis. De tous les gens réunis. Fa kayf yakun hadha ahabba ilayk wa tukhalifu. On l'avait dit, enfin, tu peux pas t'opposer à l'ordre de quelqu'un que tu aimes plus que tout. C'est pas possible, ça ne va pas avec. Donc هذا كما يذكر الشيخ, ça t'amène à quoi? كذلك أن تعلم سنته. Tu connais sa sunna. Quel Coran que tu l'apprennes, que tu la médites et que tu l'appliques. بقدر استطاعتك. Mais on t'a de capacité. وهذا يدل على أنك تبحث وتميز بين ما صح عنه وما ليس كذلك. D'accord, tu cherches qui est authentifié venant de lui, comme hadith authentique, et ce qui est faible, pour ne pas justement dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, après tu veux qu'un hadith qui est موضوع أو منكر أو ضعيف جدا وغير ذلك, comme ils font l'établir. Ils viennent avec des hadiths, ils ne savent pas d'où ils viennent. Et ils te disent qu'en Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On dit là, si tu ne connais pas le hadith, si tu es sûr qu'il est authentique, t'as même. Si tu ne sais pas, tu veux que Sirat al-Mutamrid, d'accord, le Rouya an al-Nabi, il a été rapporté de lui, masalan. Ou il a été dit de lui, masalan. Tu n'affirmes pas que c'est lui qui a dit ça. Khilaf a, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit telle chose. Là, tu affirmes qu'il l'a dit. Donc, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man kaziba alayhi muta'ammidan, fal yatabawwa maq'adahu min an-nar, que celui qui ment sur moi volontairement, qui prépare son chef au feu. C'est pour cela que par exemple Anas, il dit في أول الحديث لو حديثكم كثيرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما منعني أن أحدثكم كثيرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكر الحديث. Je ne peux pas vous raconter trop de choses car le Nabi صلى الله عليه وسلم a dit telle chose. Il a peur de après d'en dire trop, de mentir. Et quand on dit mentir, là, quand Anas parlait de mentir, c'est pas en plus volontairement. Et malgré cela, avec le wara qu'il avait, il a appliqué le hadith à sa parole. Alors que s'il avait menti, ça n'aurait pas été délibérément. Car dans l'islam, l'arabia, al-kazib, c'est le mensonge que tu l'aies voulu ou pas. Ou al-khabar, le mukhalif, le waqa. Tu donnes une information qui s'oppose à la réalité. Que tu l'aies dit volontairement ou pas, que tu aies cherché à mentir ou pas, ça s'appelle kazib. Ça s'appelle al-kazib. Après, la personne, en fonction de son intention, entre celui qui a menti volontairement pour tromper les gens et celui qui ne savait pas. Mais on va dire « Koulouka hadha kadhib ». Hadha kadhib. Alors, ce qu'on appelle le kadhab, c'est celui qui ment volontairement. Quand même, celui qui ment volontairement ou qui ment beaucoup. Donc, tu fais attention à cela. Comme je disais par rapport au tablier à Mathalène, ce sont des gens, ils ne connaissent rien du tout. Ils n'ont pas beaucoup d'ahadith et le peu qu'ils connaissent souvent c'est des hadiths maudoua, inventés. comme ça m'est déjà arrivé auparavant, d'avoir eu parlé avec l'un d'entre eux. Ou plutôt, j'étais présent entre un frère qui parlait avec l'un d'entre eux. Et il sort un hadith. Je me rappelle plus si c'est authentique ou pas. C'était pas. Le frère le dit, mais le hadith que tu dis, il est authentique ou pas? Il dit, mais oui, c'est Abu Huraira qui l'a rapporté. Le frère a dit, non, mais t'as pas compris. C'est pour ça que ça veut dire. Il dit, comment? C'est Abu Huraira qui rapporte le hadith que je viens de te rapporter. Comment il est pas authentique? Il dit, demain, je vais prendre un hadith, je dis, c'est Aïcha, je dis, c'est Anas, je dis ce que je veux. J'ai aucune preuve qu'il est authentique. C'est pas ça qui dit que c'est authentique ou pas. Là, c'est le sahabi que t'as mis. Et que n'importe qui peut dire qu'un tel l'a dit et le Nabi Salam n'aura pas entendu de lui. C'est pas comme ça que tu sais un hadith. Il savait même pas. Pour lui, le fait que le sahabi dit la chose, c'est qu'il a fait une tête quand on lui disait, il a dit, comment? C'est Abu Huraira. C'est pas n'importe qui. On dit non, on ne dit pas qu'Abu Huraira, c'est un menteur. On dit que toi, est-ce que tu sais que le hadith, c'est vraiment Abu Huraira qui l'a entendu et qu'il y a une chaîne de narration qui remonte jusqu'au Nabi Salam authentique? Et là, il ne sait plus quoi dire. Donc, c'est même pas c'est quoi, on va dire, un sanad, Aslan. Parce que c'est tous comme ça, je sais pas, mais lui, il était à un stade vraiment, voilà, grave. Et j'étais à mes débuts de l'islam quand il m'a dit ça, moi-même, j'étais choqué. Donc, il y a des gens, ils pensent comme ça. Ou ils vont dire, c'est dans tel livre. Alors, il va prendre Al-Adab Mufrad de l'imam al-Bukhari. Il dit tel hadith, kaza, kaza, kaza. Et c'est Bukhari qui l'a rapporté. Je suis où? Dans l'Adab al-Mufrad. Je suis Adab al-Mufrad, c'est pas Sahih al-Bukhari. Dans l'Adab al-Mufrad, il y a des hadiths qui sont faibles. Il dit comment? C'est Bukhari. Il me dit. Je suis Bukhari, c'est pas tout ce qui est comme un hadith qui est authentique. Pour Sahih, Nam, il a écrit d'autres livres avec des conditions plus légères ou à Kaza à Kaza. Tu vois? Et il est apporté. C'est pas tout hadith que tu as dans un livre qui est authentique. Boulou al-Maram, on a des hadiths, ils sont faibles. L'auteur lui-même le dit qu'ils sont faibles. Mais s'il le met, il y a une raison. Il te dit qu'il est faible. Si jamais tu viens, tu rapportes un hadith qui est faible, tu connais la faiblesse, tu te le dire aux gens. Il est faible, ce hadith. Faut pas qu'ils pensent qu'il est authentique et après, voilà. Tu dis, mais il est faible et je le dis pour telle et telle raison. Par exemple, pour te montrer qu'il y a une règle, bâtir ce hadith, elle est fausse. Parce que le hadith, il est faux. Hein? Ou des fois, tu as des règles, elles sont vraies. Et pour que tu t'en rappelles, on te donne un hadith qui est faible. Tu te rappelles la règle, comme par exemple les chouroutes de l'eau pour qu'elle reste pure. Tahour. D'accord? Que l'eau, il n'y a rien qui la rend impure. Il est maïurir tormahu wa launahu wa riha. Qu'il n'y a rien qui change l'eau, c'est-à-dire qu'elle reste purifiante. Elle ne peut pas être impure tant qu'il n'y a pas une chose qui change son odeur, sa couleur ou son goût. Les hadiths sont tous faibles. Mais il y a ijma de la umma sur l'amal bihadil hadith shurut. Donc ce hadith, ça te permet de quoi? De retenir la chose. Mais l'auteur te le dit que le hadith, il est faible. Et des fois, tu as un khilaf. Tu en as, ils voient qu'il est authentique. Hassan, tu vois qu'il est faible. Donc les gens, il faut qu'ils savent. Ce n'est pas tout ce que Bukhari a apporté. Et c'est Bukhari qui est, c'est authentique. Bukhari, il n'a pas fait que son sahih. Son sahih, non. Tu vois, à part quelques hadiths qui ont été vite fait remis en question. Et encore vite en question par rapport à l'isnad. Le mut dans lui-même, l'énoncé du hadith, il ne s'oppose à aucun fondement dans la religion. Il n'y a pas de hadith qui est maudour ou qui est mensonger ou quoi. Si, même si le hadith, on dit qu'il est muntaqad, comme disait le ulama, il est muntaqad, c'est par rapport au fait que le hadith, dans le son d'isnad, il y a des choses à revoir. Soit il en parle dans les conditions de Bukhari vraiment, ou il est discutable. Ah, m'a dire qu'il y a un hadith qui, genre, si jamais tu le fais dans le Bukhari, tu t'égares ou quoi, ça, il n'y a pas. Ma yujad. Un muslim kazalik. Donc ça, c'est parmi les nasiha li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Et que tu ne rapportes de lui que des hadiths authentiques. Si toi, tu ne sais pas, tu le rapportes de ulama à qui tu fais confiance, qui ont authentifié. D'accord? Qui ont authentifié le hadith. Et taban, le nasiha lillah tukhalif al-bid'a. Bien évidemment, car c'est la pire des choses qui s'oppose à la sunna, la bid'a. Donc tu peux pas être un moubtadi et tu dis je suis un ancien les rassolis. Ça me dit non. Si jamais tu étais un ancien les rassolis, tu serais un sunni. Voilà, tu serais un sunni. Taïeb. Thumma qala wa li a'immat al-muslimin. Et pour les dirigeants des musulmans. Les dirigeants des musulmans. Et là, c'est qui? Ce sont les gouverneurs حتى العلماء يدخلون في هذا, حتى العلماء يدخلون في هذا, كما جاء في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا واتيعوا الله واتيعوا رسوله وأولي الأمر منكم. Vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez à son messager et aux détenteurs du pouvoir. Cela s'applique sur les dirigeants, gouverneurs et également sur les ulama, comme c'est dans le tafsir de beaucoup de salaf. Les ulama également, tu leur obéis. Lakin, une obéissance qui n'est pas mutlaqa, tu leur obéis dans le ma'ruf. Tu leur obéis dans le ma'ruf, dans ce qui est conforme à la religion, car ils peuvent se tromper. Donc c'est quoi maintenant la nasiha pour les gouverneurs, les détenteurs du pouvoir? C'est assam wa ta'a, que tu écoutes et que tu obéisses. Lahum bil ma'ruf, dans le convenable. Wa qiyam bil muham wal a'mal allati yusnidunaha ilayk. Et que tu fasses ce qu'ils te disent de faire. Mais taba'an, tant que c'est pas une mukhalafa. Donc toute personne qui a une charge confiée par l'État, représente l'État, à ce moment-là, si tu as une chose à faire par rapport à eux, tu dois la faire. Donc c'est pas un mukhalafa. Et kazalik, cette personne-là qui elle-même est chargée par l'État, son travail, elle le fait bien. Il wa nasir li a'immat al-muslimin. Il est sincère et véridique avec eux. Et là, maintenant, on vient avec le sens qui est connu, qui est le conseil. Donc, avalik, tansah lahum, ma'ana, tu les conseilles lorsque tu vois une chose qui n'est pas correcte. Al-an, tu peux dire nasiha. Maintenant, ce qu'on a dit au début, on ne peut pas le dire. Lillahi, wa li kitabi, wa yasulihi, on ne peut pas employer le mot conseil, comme on le connaît. Il ne convient pas le mot. Et pour les gouverneurs, d'une partie, pas d'une autre. Là, maintenant, on rentre dans la partie concerne, qui concerne le mot conseil. تمام فيقول ومنهم وإن كانت منهم يبين لهم خطأهم فيها ولكن لا يكون هذا في المجالس أو المنابر أو على المنابر وإنما هذا يكون بين الناصح وبين ولي الأمر. Donc si jamais tu vois des erreurs du gouverneur et que tu fais partie des gens qui ont accès à lui pour lui parler, alors tu le conseilles en privé. Et comme on dit Ta'ala, قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. Et dit à mes serviteurs de parler de la meilleure façon, car Shaitan est là pour perturber entre eux, et Shaitan est un ennemi pour l'humain déclaré. Donc quand tu rentres une personne d'autorité pour la conseiller sur une erreur ou quoi, tu prends le ton adéquat. Tu ne parles pas à ton fils, tu ne parles pas à ton petit frère, et même pas à ton frère de sang. Tu parles à une personne qui a un haut rang dans la société, dans le gouvernement, dans l'État, donc tu parles correctement. Car on lui parle mal, ça pourra se tourner contre toi, et contre tout ce qui te ressemble. Car vous le savez, aujourd'hui, on a une époque où si le sunni, le salafi vient, il parle, ou quelqu'un qui ressemble au salafi qui parle, et qui fait une erreur, c'est tout ce qu'ils prennent. Ils prennent tous. Tu vois ? Parce que les gens ne sont pas justes. La plupart. Si déjà un musulman fait une erreur, c'est tout l'islam qui prend. En premier lieu. Demain, un musulman fait une chose qui n'a rien à voir avec l'islam. Les gens vont dire les musulmans, l'islam, Kaza et Kaza. Non, ça c'est lui. Et même nous, ce qu'il a fait, on n'est pas d'accord avec lui. Et le salafi encore plus. Car les gens disent vous dites que vous êtes les gens de la vérité, c'est vous l'islam pur, c'est vous l'islam authentique. Donc tu fais une erreur, comme on l'a dit la dernière fois, les gens ne te ratent pas. Ils ne te ratent pas. Et à ce moment-là, il dit, de toute façon, vous, dites-vous quoi? Vous dites Kaza et Kaza et Kaza. Je dis, quand on a dit ça? L'autre jour, il est venu, il a dit telle chose. C'est celui qui a parlé. Dis pas vous, dis, il a parlé. Si jamais il dit une chose véridique, non. Si il dit une chose qui n'est pas véridique, c'est lui seulement. Là, tu hamilna malam nakulhu. C'est pour ça que, comme ça va venir après par la suite, al-nasiha li'ammatihim, pour que les gens soient sur la religion comme il se doit. Car on représente l'islam. On représente l'islam pour les gens, pour les koufars. Donc, pour revenir au gouverneur, il n'est pas permis justement de les critiquer publiquement, ouvertement, de mettre leurs erreurs en vue de les rabaisser لأن هذا يدخل في النميمة ومن أشد نوع النميمة، لأن النميمة آفن الغيبة أشبه جه، وما حتى النميمة يدخل فيه. الغيبة سين تذكر أخاه بما يكره، كسي لتون فريغ سو كيل ديتست. دونك دوما تو فا فوار مس سي فري الغيبة ما يلزم منه الكذب. تون فريغ با فوار ان ديفو ريال داكور اي تو سيت او جون اي كي نيم با كو تو دي سا دو لوي باغ اكزومبل. C'est quoi ton wajib entre en réalité, c'est ce qui va suivre pour la suite, de nasah, de conseiller par rapport à ça. Tu vas conseiller par rapport à ça. Eh bien, le gouverneur, Mbeb Aoula. Car le gouverneur, sa réforme, elle est valable pour tout le monde. Si le gouverneur, yakun salihan, fahada, c'est yakun, fi maslahat al-umma kamila. Ou du moins, même si le gouverneur il est droit, ça va être à l'avantage de ceux qui sont sur le gouvernement. On a tous à y gagner. C'est pour ça que certains élèves, quand ils disent qu'ils ont dit que les gens ne sont pas les hakims. Les gens ne sont pas les gens, ils sont les gens. Mais les hakims, ils sont les mouchtama. J'aurais une invocation qui était exaucée, je le savais, ça serait pour le gouverneur. Car si lui, il se réforme, ça va jouer pour tout le monde. Alors que s'il a fait pour moi, ce sera que entre moi et mon Seigneur. Donc moi, ce sera pour moi seulement. Alors que là, ce sera tout le monde qui va être, alhamdoulilah, qui sera concerné par ce salaire. Donc les nasiha, comme on voit beaucoup de gens qui aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais ça dès qu'un hakim fait une erreur, ils mettent tout. En plus, parce que des fois, c'est en version mensongère. Ce que les infos ils disent, après des koufars, et bismillah ça y va. Et il prend tout, insulte, moquerie, abaissement, wa kaza et kaza et kaza. Et peut-être même que celui qui parle, dans un hell achat de minou. Mais attention, comme on dit, kazalik yakoul, wa kazalik min nasiha li oulat il umur, et du'a lahum bis salah, liyana salah ahum salah l'umma, comme on a dit. Qu'il faut faire du'a pour eux. D'accord ? Et pas contre eux. كما يقول لأن بعض الناس والذي أو الذي عنده غيرة شديدة مع الجهل يدعو عليهم. Car beaucoup de personnes parmi ceux qui ont de la jalousie pour la religion réelle mais ils sont ignorants, ils invoquent contre eux. وهذا ليس من النصيحة والواجب الدعاء لهم بالصلاح والاستقامة ويدعى لهم في الخطاب. Car ce qui est vraiment le comportement à avoir, l'obligation, c'est d'invoquer pour eux. Pour leur droiture, même dans les khutab, faire un doua pour eux. وَيُدْعَى لَهُمْ فِي الْمَجَالِسِ وَبِالصَّلَاحِ. On invoque pour eux dans les assises, dans les assemblées. لَكِنْ قَالْ, une chose importante, لَا تَمْدَحْهُ بِمَا لَيْسَ فِيهِمْ. Il ne commence pas à faire son éloge de ce qui n'est pas en lui, par contre. الْمَطْلُوبْ أَنَّكَ تَمْدَحُهُمْ وَتُصْنِي عَلَيْهِمْ. لَيْسَ عَفْوًا الْمَطْلُوبْ أَنَّكَ تَمْدَحُهُمْ أَوْ تُصْنِي عَلَيْهِمْ. الْمَطْلُوبْ أَنَّكَ تَدْعُو لَهُمْ بِالصَّلَاحِ وَالِاسْتِقَامَةِ وَالْهِدَايَةِ. Car on ne demande pas de toi que tu fasses leur éloge. C'est pas ça qu'ils demandent de toi. Ce qu'ils demandent de toi, c'est que tu invoques en leur faveur pour qu'ils se réforment, pour qu'ils soient guidés, pour qu'ils soient droits. Car des gens pensent que le fait d'invoquer pour eux veut dire forcément qu'on les aime, ou que c'est de la moudahana, le carrosse dans le sens du poil, qu'on fait preuve de fausse politesse. Non, on dit, c'est pas ça. Le gouverneur, Allah Azzawajal, n'a pas imposé que tu l'aimes. La mahabba, elle est par rapport à l'istikama. Si le gouverneur n'est pas mustaqim, on ne peut pas l'aimer. Maintenant, le fait de ne pas l'aimer ne veut pas dire qu'on ne rend pas son droit. Hatta ma walidayk, avec tes parents, tes propres parents. Tu peux avoir des parents, depuis petit, t'ont fait la misère. Frappé, martyrisé, délaissé, maltraité. T'arrives à un stade, c'est sûr dans ton cœur, l'amour il est. Et pourtant, wabil walidayn ihsan. Tu dois te comporter correctement avec eux, leur donner leur droit, leur obéir. Tu vois ? Alors il n'a pas dit ahibhum. L'amour de mahabba dans les cœurs, c'est une chose qui est bâtie. Je parle des gens qui ont une istiqama sur le wala al bara, c'est par rapport à la ta'a. D'accord ? C'est pas par rapport à. On ne peut pas te forcer à aimer une personne si cette personne-là, mesalem, elle n'a pas les attributs qui amènent à l'amour. Je parle de l'amour pillah. Je parle pas de l'amour des. L'amour là qu'ils inventent les gens, là. Sentimental. Ça, c'est autre chose. Donc, attention, car des gens confondent. disent ouais, vous, kaza, kaza, bah, encore le vous, comme on disait tout à l'heure, voilà, le fameux vous. Vous, vous êtes les serviteurs des gouverneurs, vous les aimez, vous les kala kaza chunar. Seulement le fait qu'on les aime pas, ça ne veut pas dire qu'on va crier sur les toits. Ça, c'est entre nous et Allah Azzawajal dans notre cœur, d'une part. Et on invoque pour eux, qu'à ce moment ils se mettent bien, ça sera notre avantage à moi, à toi, à lui et à un tel. C'est quoi que tu veux du gouverneur? Pourquoi tu critiques le gouverneur? Parce qu'il n'est pas la charia. Si on invoque pour lui qu'il se réforme, qu'est-ce qu'il va faire par la suite? Peut-être qu'il a chalira. Ou nous allons s'en rapprocher un peu plus. Tu vois, on va s'en rapprocher un peu plus. Mais si tu invoques contre lui et que tu parles sur lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas piquer la chalière avec toi. Il va te faire du mal. C'est ça que tu veux? Là, donc, parler en mal sur lui, ça va rien t'apporter. Ah ouais, tu as fait tomber dans le riba. Moukhalafat al-kitab wa sunnah. Et en plus, dans la dunya, tu peux avoir des problèmes qui vont rien t'apporter. Tu vas pas être un héros. Dire ouais, moi j'ai subi, je suis un héros, je suis l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, il n'est pas sorti contre le gouverneur. Il a dit le haq, c'est tout. Et il est pas parti l'insulter, le critiquer. Malgré ce qu'il a vécu, il est interrogé. El nakhruj alim, quand elle est là. Toi demain, il va te faire un petit truc, ça y est. Le lendemain, c'est khuruj. Khuruj. Donc ne dis pas l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, il n'est pas avec toi là-dessus. Donc bien comprendre la chose. On ne dit pas qu'il faut l'aimer et faire son éloge dans ce qui n'est pas en lui. Même, et commence à parler en lui comme si c'était je ne sais qui. Comme si c'était Abou Bakr al-Siddiq ou Omar al-Khattab. On dit non. Les hukam, on les connaît aujourd'hui. On sait comment c'est le hal de la Ummah. D'accord? Quoi qu'il en soit, on leur veut le bien. Pour Allah en premier lieu, car c'est une chose qu'Allah veut de nous. Pour eux, et si c'est pour eux, ce sera pour nous tous. Donc il faut que les gens ils réfléchissent comment ils font, comment ils agissent. Wa hadha an-nasiha li a'immat al-muslimin. Et comme on dit, cette nasiha, elle est pour qui est en mesure de la faire parvenir. Pas n'importe qui. Pas demain, tu dis une nasiha ou Hakim Foulen, tu écris un truc sur Facebook. Là, tu le rafonds en public, t'as pas compris. Ou quelqu'un, il vient, il fait une khutbah sur minbar et commence à déchirer. Il dit Inka le munkar. On dit là, t'es venu avec ce qui est pire que le munkar que t'as fait. Ala al fa'alta wa ankar. Parce qu'avec ce que t'as fait là, tu trouves demain, ton mosquée, il est fermé. Toi, t'as interdit de khutbah ou t'es en prison. Et tous les gens qui étaient là, là, tous des problèmes. Par ta faute. Tu vois. T'as apporté rien ce que t'as fait et en plus, t'as énervé le gouverneur. Et on sait que les gouvernants aujourd'hui, tu vois, la taqwa, c'est pas parmi leurs caractéristiques. C'est une réalité. Si jamais tu t'opposes, depuis longtemps, tu t'opposes à eux, généralement, tu auras des problèmes. Elle a marlouf. Taïb. Et si jamais tu ne peux pas le faire, tu te tais. Il dit le chir. Tascout. Tu ne peux pas faire parvenir à la nasiha. تسكت وهكذا ثم قال وعمتهم عمتهم أي النصيحة لعامة المسلمين que tu sois là pour l'ensemble des musulmans تكون بصدق في المعاملة أما الذي يغش المسلمين في البيع والشراء والمعاملات فقد خانهم ولم يمسح لهم donc là tu dis par exemple parmi les نصيحة pour la masse des musulmans que tu sois véridique avec eux. Par exemple, tu ne les trompes pas, tu ne leur mens pas. Dans les mu'amalas, dans les négoces, dans les échanges avec eux, tu es véridique avec eux. Adam min nasiha lahum. Yaqul wa kadhalika min nasiha li 'amati al-muslimin da'watuhum ila Allah wa da'wat bid'awatihim ila al-islah ma 'indahum min al-khalal wa bayyin ma yajhalunahu min umur ad-din. Kazalik, parmi les nasiha que tu peux leur faire, c'est les appeler à Allah, leur faire le rappel. Quand même, les appeler à la réforme. Et démontrer ce qu'ils ont comme défaillance en eux, dans la Ummah. Car il y a des gens, dès que tu parles sur la Ummah, tu montres les défauts, ils disent ouais, vous, vous propagez la turpitude des musulmans. On dit non, on montre le khalal qu'il y a pour le réparer, pour qu'il se réveille. Pour qu'il se réveille. Ça, c'est une nasiha. Mais que tu te testes sur le monteur qu'il y a, toi, t'es pas un ancien, toi. Toi, t'es pas un ancien. Et ça, c'est pas de l'amour pour les musulmans. Donc, et là également, on n'a plus que le mot conseil comme on le connaît en français. Comme Yakoul le Shir, Mathalan. Yakoul, ou min nasiha, li amat al muslimin, an tadoula ahaka wa tarashudavu. Il dit, stacharaka wa talaba min kan nasiha. Que ton frère musulman, que tu lui montres et que tu lui indiques la vérité. Si jamais il demande de toi une nasiha, tu lui montres la vérité. D'accord? Il veut se marier par exemple avec une femme. C'est pas tu amènes une femme, c'est qu'elle n'est pas bien, tu lui dis, ah, machallah, cette soeur-là. Masha Allah, le Mabarik, kaza kaza, juste pour qu'il se marie. Non, si tu demandes, tu lui dis la vérité de ce que tu connais. Ni pour critiquer la sœur ou quoi, ni pour empêcher de se marier lui, et Nasiha Lillah, tu dis ce que penses-tu de telle personne. Et là, c'est pas du riba, c'est lui qui te demande. À ce moment-là, tu as le droit de donner les défauts, sans aller trop loin, pour montrer l'intérêt de la personne. Le Nabi Sassalem, lorsque Fatima ibn Qays est venue le voir, en disant que Muawiyah a demandé en mariage, et à Abu Jahm, l'a demandé en mariage. Non, c'est pas Abu Jahm. À chaque fois, je me trompe, sahabi. Abu. Hein? Là, là, là. Après, il le dit de un petit Houssama. Nassit. À chaque fois, j'oublie sa kunya. Bref. Elle a dit Muawiyah, Ma'oul, c'est quelqu'un qui n'a pas d'argent. Et l'autre, il le bâton tout sur son épaule, c'est-à-dire il frappe les femmes. Anki Houssama. Marie-toi avec Houssama. Au début, elle ne voulait pas. Mais, comme c'est le Nabi Sassam qui lui a dit ça, elle sait que le Nabi Sassam, il sait. Et il est nancier. Elle a piqué. Elle a dit j'ai été la plus heureuse des femmes après Houssama, ibn Zayd. Donc là, le Nabi Sassam, il a montré les défauts par rapport à ces deux hommes-là, qui n'allaient pas correspondre avec Fatima. En tout cas, avec deux femmes, ça aurait pu convenir. Mais pour elle, elle a vu que ces hommes-là ne convenaient pas. Elle a dit Houssama. Elle a été nancée. Elle nous appelle à ça. Donc des fois, il y a une chose, quelqu'un te dit qu'est-ce que tu conseilles, tu lui donnes ce que tu vois comme avis correct. Combien de fois, nous qui appelons les frères à faire la hijra, ce genre de choses, des fois, des femmes demandent, je peux venir au Yémen, et des fois, je leur déconseille de venir au Yémen. Je dis, toi, le Yémen, je te conseille pas, la Salam. Et d'autres, je leur dis, viens. Toi, ta situation, tente. Et d'autres, je leur dis, je te conseille pas de venir. J'ai peur que tu viennes ici. Et que tu ne tiennes pas. Ou alors que tu as des problèmes par rapport à ta situation qui fassent que tu repartes. Ou que tu sois machroul, tu peux pas faire ta labellem ni rien. Tu seras venu ici pour rien. Et toi, tu vas pas aimer le lieu, au casa, casa, je connais un peu ton caractère, l'ambiance, ça va pas te convenir, casa, casa. Donc, toi, Salem, ton bel-aide, il est mieux. Tu as des problèmes de santé, reste dans un pays où il y a des moustaches, je sais pas, qui sont, on va dire, plus développées ou quoi, quoi. Ici, tu vas te fatiguer. On va à casa. Donc, tu es nancier. D'accord, tu es nancier. Pour lui. Ou tu as un projet commercial avec quelqu'un, est-ce que tu connais un tel, est-ce qu'il est honnête? Tu dis ce que tu connais de la personne. Ou ce projet-là, est-ce que tu vois qu'il est intéressant, qu'il n'y a pas de nuire au casa, tu vois? T'aimes ça. Tu conseilles. Et le problème, c'est que beaucoup de gens ont pris ce hadith-là. Mebniyan al hadith fakra fakat. Ils ont pris ce hadith, la din nasiha, ils l'utilisent que à ce moment-là. Tout là, ce qu'on a dit avant, il y a un khalal. Les frères vont dire, moi je te conseille, Akhi. Et tu le vois en apparence, maintenant c'est le Rasoul. Je vois ton apparence. Tu vois, je vois tes Afael, t'es pas un ancien les Ketabillah. Et je vois comment tu comportes avec tes paroles sur les Hukam, t'es pas un ancien les Aïmat et Muslimin. Tu vois, là t'as pris une partie du Hadith et t'as délaissé le reste. T'as pris ce que tu as compris du Hadith, le mot conseil pour ton frère. Il est véridique dans son conseil. Et tu dis, tout le reste, tu en fais quoi? Et tu viens, tu dis, Adin Nasiha. Akhi, je te conseille, Kaza, fais attention, Kaza et Kaza, je suis taïeb. Je le prends. Mais le reste, par rapport à toi, dis maintenant, c'est moi qui te conseille. Voilà. Et je t'amène bi. Va t'amener bi par rapport au Hukam, qui est, on a dit qu'on invoque pour eux, et pas contre eux. Déjà, premièrement, il y a des gens qui donnent des athars ou des salafs, on fait une car. Au Hakim en public. C'est déjà arrivé. J'ai certains Sahaba, mais les Salaf. Charles Samin expliquait. Pour pas que ça y ait, comme on dirait, une contradiction. Il a dit ce qu'ils ont fait comme Inkar au Hakim, c'est déjà que, un, ils savaient que eux avaient une parole qui influait sur le Hakim. D'une part. De deux, ils l'ont fait devant lui. C'est-à-dire, la parole qu'ils ont fait, il était présent, le Hakim. C'est pas qu'ils ont fait un nikar sur lui, sur Mimbar ou ailleurs. Il était devant lui en sa présence. Ils lui ont parlé, en fait. Tu vois, ils l'ont parlé. C'était le cas d'Ibn Omar, Bethalen, Ibn Omar, qui avait été blessé lors d'une. Je crois que c'était pendant le jour du Eid. Et Al-Hajjaj, Yusuf ibn Hajjaj, qui était connu pour être un tyran. Il a tué les Sahaba. Il a tué les Salaf, même les ulama. C'est quelqu'un, vraiment, c'était quelqu'un de sanguinaire. À moins de croire la fête, il te tue tout de suite. Et pourtant, il avait un hijlal azim, lui, Omar ibn Khattab. Il l'a respecté grave. Et il est parti rendre visite à Ibn Omar. Il lui a dit, qui c'est que t'as fait ça afin que, tu vois, je lui fasse dans le sens qu'il dédommage ce qu'il a fait. Il a dit, c'est toi. Il a dit, comment c'est moi? Car tu as permis ce que le Nabi Sassana avait interdit, qui est de porter les armes le jour du Eid. J'étais blessé par quelqu'un qui était armé. Ça m'a blessé à mon pied. Donc c'est toi le responsable. Il a dit, coulis au doigt. T'aurais dit moins que ça, Yusuf ibn Hajjaj, tu attends, t'aurais dit moins que ça. Il ressortait, t'étais en sang dans la pièce. Sur le champ, il t'exécutait. Et Ibn Omar, pourtant, il a pas réagi. Il y avait qui encore comme Sahabi? Il y a plein d'exemples dans Minhaj al-Salikin, ou le Qasidin, de Qudam al-Maqdasi. Il s'est dit à Kul de Salaf qu'on fait nikal ou hakim en sa présence, mais ils avaient une koudra pour le faire. Tu vois, ils avaient une koudra pour le faire. Donc, celui qui a la koudra de le faire, il peut le faire. Il doit le faire. Il doit le faire. C'est wajib sur lui de le faire. Et même des fois, c'est le gouverneur qui disait à un tel, conseille-moi. Tu vois. Et il conseillait. Il conseillait. Il dit, conseille-moi. Ils n'allaient pas voir n'importe qui. Ils savaient qu'ils allaient voir quelqu'un qui savait qu'il était nasih, fi'lan. Qui était connu pour être sadiq. Il était véridique. Il était sincère. Il était alim. Ils allaient le voir pour dire, toi, conseille-moi. Et fais la nasiha. Et conseille. Et il dit des paroles, tu vois. Il rappelle au-delà. Et des fois, le hakim disait, ça aurait été quelqu'un d'autre que toi. Ça ne s'est pas passé. Venant de toi. Et je sais que, voilà. Quoi. Et des fois, il prend une grande bourse d'argent, fait tiens. Et l'autre, il dit, un nasih lillah, c'est pas pour ça. Et il refuse l'argent. Tu vois. Ce qui fait que l'autre, il a encore plus confiance en lui après. Il a dit, c'est toi qui m'as donné un nasiha. Je te donne un nasiha. Ça, j'en veux pas. Car il sait que si jamais il prend ça, après, c'est comme des menottes. Il y a le minna sur toi. C'est comme une forme de, genre, je te donnais. Attention. Dans le sens, maintenant, moi, j'ai un truc sur toi, tu vois. Il savait très bien. C'est pour ça que les salafs, c'est, j'ai acheté des bounes et le hukam. Les hukam de rouler le sultan, c'était une fitna. Tu rentres chez eux, tu dis un truc, hop, donne plein d'argent. Et après, si t'as acheté. Et le jour où il faut faire une calme de car, tu peux plus. Donc il refusait tout direct. Je veux pas ça. Et quand bien même, il pouvait éviter de se retrouver en présence du gouverneur, il évitait d'y aller. Car il sait que c'était une fitna. Soit, tu vas te retrouver devant lui à faire croire une chose qui n'est pas vraie, parce que tu vas te taire. Et raconte, la besoin qu'on lui parle, tu n'auras pas la force d'affronter toi. D'accord ? Soit tu vas parler, tu auras des problèmes par la suite. Ou soit il peut t'éprouver avec des biens. Ils sont marrons. Donc, voilà. Ils évitaient le gouverneur. Le plus possible. Comme a dit l'Azza wa Jal, et comme il y a des gens qui sont barda, ou comme il y a des gens qui sont barda, ou plutôt, ou comme il y a des gens qui sont barda, mais qui sont exibun. C'est comme ça que nous, parmi l'essence du verset, nous mettons certains injustes ayant autorité sur d'autres, puisqu'ils ont accompli. Car des gens disent aujourd'hui, nos gouverneurs, kaza, je sais pas. On est comment, nous ? Allah, dans le verset, le dit bien. Comme tu es, tu seras gouverné. Et Shah Semin, il le dit. Vous voulez l'avocat de Omar ? Il dit, ça serait khalaf la hikmah d'Allah, Azza wa Jal. On n'est pas un shab aujourd'hui, une communauté qui mérite d'avoir ces gens-là comme gouverneur. On est trop loin. Tu vois ? On est trop loin. Ali ibn Talib, il avait été dit par une personne qui lui a dit, nous, à notre époque, il le critiquait. Critiquer Ali, tu vois, pour son comment il dirigeait on va dire les musulmans à l'époque. Il a dit à l'époque de Boukhal Omar, c'était kaza. Il a dit, Naam, t'as raison. Qu'à l'époque de Boukhal Omar, c'était des gens comme moi qui étaient sous eux. Et à mon époque aujourd'hui, c'est des gens comme toi qui sont sous moi. Dans le sens, ça va avec vous. Si tu n'aimes pas ce que je fais, c'est que peut-être vous avez un problème déjà aussi. Au revoir. Wa kaza. Donc ça, c'est une réalité. Comme quand il ta'ala, zalika bien Allah. لم يكن مغيرا نعمة أنعم عليكم منها في يغيروا ما بين أنفسهم. Car Allah ne change pas un bienfait qu'il a accordé à un peuple tant qu'il ne change pas ce que eux ils ont en eux. Et quand ils ont en eux, c'est pas toi en toi, c'est pas le fait. J'en ai pris ce verset là pour sortir contre le hukam. Il dit bien, il a pas dit ma fi nafsihim dans le chien, mais ma anfusihim. C'est-à-dire là c'est le pluriel de là, c'est-à-dire chacun. Il s'arrange chacun. Parce qu'on a dit ouais, ce verset là c'est pour nous. On dit non, il est contre vous. Il n'a pas dit le Shab, Yuril Mafi Nefsi. Le peuple change ce qu'il a en lui, c'est-à-dire comme gouvernant. Quoi. Non, il a dit Mafi Anfusihim. C'est-à-dire chacun, il change ce qu'il a en lui. Et il s'améliore. Ah, car les gens, justement, le livre, ils le comprennent comme ils veulent. Et ça revient à quoi ? Adam et Nansiha les Kitabillah. Le livre, tu ne l'as pas compris. Et tu l'as mal appliqué. Je pensais qu'on allait avoir le temps de prendre le hadith d'après, mais non. Mastatana, Kaddar la Mashafa'al, Wakada. Fa'addin al-Nasiha. On a compris globalement ce que veut dire Nasiha. Donc parfois on peut se dire par conseil, d'autres fois on ne peut pas. Parfois on peut, parfois on ne peut pas. Donc on emploie le mot en arabe, on laisse. On dit Nasiha. Nasiha. Quand même, fa'illahuna. La ilaha illa tastafiluka wa tabu alayki.